cahier d'école. Comme je m'ennuyais sur mon banc un jour de colle, j'ai griffonné sur un tempo quelques idées, quelques mots, et j'ai tout essayé le soir sur ma guitare. Où est ma première chanson? Qu'en ai-je fait? Quel abandon? Elle traîne peut-être à l'horizon sur un papier froissé, un peu délavé. Où est ma première chanson? Dans quel tiroir de la maison? Dans quelle poche d'un vieux veston? Elle s'est fait oublier, j'aimerais la retrouver. Elle devait parler de la pluie, et peut-être aussi d'une fille, mais j'avais évité quand même tous les je t'aime. J'avais calqué la mélodie sur les accords la mineur mi. Je passais encore mal barré, je commençais. Où est ma première chanson? Qu'en ai-je fait? Quel abandon? Elle traîne peut-être à l'horizon sur un papier froissé, un peu délavé. Où est ma première chanson? Dans quel tiroir de la maison? Dans quelle poche d'un vieux veston? Elle s'est fait oublier, j'aimerais la retrouver. D'après le texte, la ritournelle, voir si je suis resté fidèle au rêve qui hantait mes nuits. Si j'ai trahi, si une fille l'a écouté, pourvu qu'elle ne m'ait pas jugé. Bien souvent maladroit la première fois. Mais où est ma première chanson? Qu'en ai-je fait? Quel abandon? Elle traîne peut-être à l'horizon sur un papier froissé, un peu délavé. Où est ma première chanson? Dans quel tiroir de la maison? Dans quelle poche d'un vieux veston? Elle s'est fait.